إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On a commencé la semaine dernière le point numéro 11, mais on n'a pas terminé. وقال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أن الكلام في رب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في ربي إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم فهو جل ثناه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا أول بلا متاء وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. طيب, on a fait la première partie de ce paragraphe et pas la deuxième. Où l'imam al-Barbahari, rahmallah, disait que la parole sur Allah, c'est-à-dire polémiquer sur Allah subhanahu wa ta'ala, est une nouveauté, donc une innovation et un égarement. Et on ne parle sur Allah, sur le Seigneur, que ce dont il a parlé lui-même, que par ce dont il s'est attribué lui-même, Azza wa Jal, dans le Coran. Et ce dont a parlé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à ses compagnons. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, est unique. Comme il l'a dit lui-même dans le Coran, rien ne lui ressemble et il est celui qui entend tout et qui voit tout. Notre Seigneur est le premier sans début et il est le dernier sans fin. Il est le premier sans dire quand est-ce qu'il a commencé, quand est son début. Bila mata. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le premier sans début. Et il est le dernier sans fin. Il sait ce qui est secret et caché. Et il est élevé au-dessus de son trône. Et sa science touche chaque lieu, chaque endroit. Et rien, aucun endroit n'est caché par sa science subhanahu wa ta'ala. وقال الشيخ سحيمي الكلام على الله بلا علم بدعة كالجهمية مثلا. Où il a dit, pour expliquer, en plus des explications que l'on a données de Cheikh Saleh Al-Fawzan, la parole sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science est une innovation comme l'ont fait al-jahmiya. ولا لما ولا كيف. Et dans les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, on ne pose surtout pas cette question pourquoi ou bien comment. Wal aya qu'a ramené le verset qu'a ramené l'imam al-Barbahari laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir قال هذه الآية قاعدة عظيمة ورد على أهل البدع. Ce verset en lui-même est une règle et une base, une grande règle et une grande base, et elle est en même temps une réfutation aux gens de l'innovation. وفي أسماء وصفات في أسماء الله عز وجل وصفاته ولا تعطيل ولا كيف ولا تمثيل ولا تحريف. Il t'est interdit Donc on a déjà dit le comment, le pourquoi de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Il t'est interdit de déformer les noms et les attributs d'Allah, comme il t'est interdit de les interpréter à ta manière. Il a aussi ramené l'histoire de l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'il a mentionné qu'Allah azza wa jal s'est levé dessus de son trône et qu'un homme est rentré et a dit Kayfa istawa ala al-arsh, comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Ainsi, il est mentionné que l'imam Malik, rahimahullah, il baissait la tête, il est devenu rouge de colère. Et il a réfuté ce comment en disant que le fait de poser la question sur le comment est une bid'a. Pourquoi c'est une bid'a? Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla ce verset sur lui-même, qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, et que le prophète alayhi salatu wa salam a récité ce verset à ses compagnons, aucun de ses compagnons n'a dit comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Ils savent que c'est une révélation venant d'Allah. Alors ils y croient, ils s'y soumettent, ils n'ont pas cherché comment, ou ils n'ont pas dit pourquoi est-ce qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ou ils n'ont pas cherché à comparer la créature et Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont rien dit. Voilà pourquoi il a dit, le comment, il nous est inconnu à nous, il est connu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais auprès de nous, majhoul, cela nous est inconnu. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Mais y croire est obligatoire. Et poser la question sur cela est une innovation. Dans son commentaire, Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit, même si beaucoup de gens disent que l'imam Malik était en colère, c'est pour ça qu'il était rouge, il dit qu'en vérité, هو يستحي من الله عز وجل. On dit plutôt qu'il était rouge parce qu'il a eu honte devant Allah subhanahu wa ta'ala que quelqu'un vienne questionner sur Allah en disant kayfa. Shuf at-tawhid fi qalbihi imam sunnah imam fi at-tawhid min ahl sunnah. Donc il aurait eu honte devant Allah subhanahu wa ta'ala, comment quelqu'un puisse rentrer comme ça dans la mosquée et poser la question sur Allah Azza wa Jal. Depuis quand Allah est-il interrogé sur ce qu'il fait? Allah Azza wa Jal n'est jamais interrogé sur ce qu'il fait. C'est nous qui serons interrogés sur ce que nous faisons. Nas'Allah al-afwa wal-afiyah as-salam. Et donc cette règle, as-su'alu anhu bid'a, hadhi al-qa'ida ala jami' al-asma' wa-sifat. C'est une règle, ya rahmukallah, qui s'adresse sur tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Et ce verset en lui-même est un rad, une réfutation sur les gens de l'innovation. Laïsa kamithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir. Certains s'arrêtent à la première partie du verset. Mais Allah subhanahu wa ta'ala savait bien à l'avance que des gens allaient altérer, transformer, supprimer, rajouter des noms et des attributs sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, certains prennent que la première partie du verset. Laïsa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Wa huwa yastadil bihadhihi al-aya. Et celui-ci, il prend comme preuve cette première partie du verset pour dire vous ne pouvez pas attribuer une main à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah azza wa jalla lui-même s'est attribué deux mains. Mabsutatan. Deux mains. Les deux mains d'Allah sont ouvertes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné lui-même. Il s'est attribué cela. Alors eux, pour dire, pour réfuter cela et ne pas reconnaître cette chose-là, ils disent Laysa kamithlihi shay. Si vous dites qu'il a subhanahu wa ta'ala deux mains, ça veut dire que vous le faites ressembler à sa créature. Et Allah Azza wa Jalla a dit Laysa kamithlihi shay. Ainsi, il rejette tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jalla savait bien à l'avance que ces gens allaient parler comme ça sur lui, subhanahu wa ta'ala. وَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Vous ne pouvez pas réfuter de dire non tout le temps. Pourquoi ? لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Parce qu'après cette négation, il y a l'affirmation. Certes, rien ne ressemble à Allah, mais Allah s'est attribué quoi ? وَالسَّمِيعُ وَالْبَصِيرُ. Celui qui entend et qui voit tout. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla s'est tout dénué ? Il s'est dénué de tout attribut ? Non. Parfois Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue min as-sifat et quelquefois il réfute d'autres sifat. Laysa kamithlihi shay. Ici Allah Azza wa Jalla t'interdit de le faire ressembler à la créature. Certes Allah a deux mains, mais elles ne sont pas comme la créature. وكما قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في الوسيطية في الشرح الوسيطية من المخلوق إلى المخلوق. Est-ce que les pattes d'un chat c'est les mêmes que les pattes d'un éléphant? من المخلوق إلى المخلوق. Tu ne peux pas attribuer que toutes les créatures ont les mêmes mains. كيف من المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى. Vous l'acceptez entre créatures, vous l'acceptez. Cette règle, vous l'acceptez entre créatures, mais vous ne l'acceptez pas avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'Allah a deux mains, comme il l'a mentionné lui-même dans le Coran, que l'on dit que les deux mains d'Allah ressemblent aux mains de la créature, en aucun cas. Alors que déjà, les créatures elles-mêmes, elles sont différentes. Les créatures elles-mêmes sont différentes. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Et ainsi Allah Azza wa Jal ici s'est attribué deux sifat. السَّمِيعُ وَالْبَصِيرُ. Celui qui voit et qui entend. Celui qui entend et qui voit. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. طيب. On en était à يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَهُوَ عَرْشِهِ اسْتَوَى. فكونه يعلم ما في الأرض وما تحت الأرض وما تحت الثراء لا يتنافى مع كونه فوق العرش لأن الله جل وعلا يحيط بكل شيء ولا يحيط به سبحانه وتعالى شيء والخلق كله بالنسبة إليه صغير بلا كلا شيء وهو العظيم الكبير المتعالي الجليل سبحانه وتعالى فلا نقيسه بأنفسنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Dans la parole de l'imam al-Barbahari رحمه الله يعلم السر وأخفى. Il sait ce qui est secret et ce qui est caché, tout en étant élevé au-dessus de son trône. Ce n'est pas pour rien que l'imam al-Barbahari, c'est pour ça que lorsqu'un shir il écrit un livre, il ne met pas les phrases comme ça dans le désordre. Si elles sont dans cet ordre-là, c'est qu'il y a une explication. Et c'est pour ça qu'on a besoin des ulama, des savants, pour pouvoir nous expliquer ce que le savant des temps d'avant veut nous faire comprendre. Pourquoi est-ce qu'il a joint ces deux phrases-là ? يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ اسْتَوَى. Il sait ce qui est secret et caché, et il est élevé au-dessus de son trône. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a sur terre, sait ce qu'il y a sous terre. Quel que soit l'endroit, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et cela n'empêche pas et ne ramène pas comme une négation, et cela ne permet pas de réfuter ma'akounihi fawqul arsh, qu'il est au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car Allah jalla wa ala yuhitu bi kulli shay, englobe toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal n'est pas englobé par une chose, subhanahu wa ta'ala. Toute la création réunie est tellement petite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle est comme si elle n'était rien. Qu'elle est comme si elle n'était rien. Qu'elle a shay. Wa huwa al-azim, al-kabir, al-muta'ali, al-jalil, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla a mentionné en Coran, selon le sens des versets, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Jusqu'à ce qu'il ait mentionné, subhanahu wa ta'ala, il fera de la terre une poignée. Jalla wa ala. Biyaminihi. Subhanahu wa ta'ala, amma yushirkun. Et Allah est dénué de tout ce qu'ils lui ont associé. Al-makhluqat, binisbati ilayhi kala shay. Wa in kanat fi anzar an-nas 'azimatan, lakin binisbati ilayhi kala shay. أمام عظمته سبحانه وتعالى لكن ها هنه ما قدره الله حق قدره حين جحدوا قدرته وعظمته قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذببا ولو اجتمعوا له Ainsi, toute la création et toutes les créatures ne sont rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne représentent rien. Même si auprès des gens et auprès de nous, donc, cela représente quelque chose d'énorme, quelque chose de grand, cela ne représente rien devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ceux-là n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et ont rejeté sa puissance et sa grandeur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple ici, ô vous les gens, il vous est donné comme exemple, un exemple, alors écoutez attentivement cet exemple. Et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent même pas créer quoi? Une mouche. Dhubaban. Même s'ils se réunissent tous, si toute la création s'est réunie pour créer une mouche, ainsi, il ne peut pas la créer. Ma'arafu azamat Allah wa qudratahu wa jalalahu wa ilmahu fahum yaqisunahu ala anfusihim wa lidhalika tanqasu Allah azza wa jal. Ainsi, ils ne connaissent pas la grandeur d'Allah, ni sa puissance, subhanahu wa ta'ala, ni sa science. Et par cela, ils pensent qu'ils sont capables de quelque chose, mais ils ne font que vouloir rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est impossible. إِذَا كُنْتُمْ بِأَجْمَعِكُمْ مِنْ أَوَّلِكُمْ إِلَى آخِرِكُمْ وَجِنَّكُمْ وَجِنُّكُمْ وَإِنْسُكُمْ. Si tous, du premier au dernier, en parlant de la création, du premier des hommes jusqu'au dernier, tous réunis. Tous les djinns, du premier jusqu'au dernier réunis. Toute la création réunie se réunirait pour créer une mouche. Aqal shay. Yani ici, Allah Azza wa Jalla a pris comme exemple là, une chose toute petite, qui ne représente rien. Celle que quand tu la vois, tu fais juste comme ça, avec ta main. Tellement elle ne représente rien, tu fais juste ça. Tu n'as pas besoin d'autre chose. لا تستطيعون. Vous ne pourriez pas. وخصوصا الذين تدعونهم من دون الله من الآلهة والأرباب. Et encore plus particulièrement, et plus particulièrement, déjà vous ne pouvez pas, et encore plus particulièrement, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. الآلهة. قال الشيخ صالح الفوزان الآلهة لي ديفينيتي غادي Une petite explication à ce sujet. Si je la retrouve. En ce qui concerne ce terme, l'aliha, يعني كافر لله عز وجل لا إله. Est-ce qu'on doit considérer la ilaha, l'ilah, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a appelé ces fausses divinités, les a appelées divinités, est-ce qu'on doit les considérer comme divinités en elles-mêmes? Est-ce qu'on doit les considérer comme fausses divinités? Est-ce qu'on doit quand même les appeler divinités, malgré qu'elles n'en sont pas? Yani, qu'est-ce qu'on doit croire sur ce sujet? وكما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إياك أن تتكلم في مسألة ليس إمام قبلك أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله a dit prends garde de parler d'une chose, d'une question, c'est-à-dire dans la religion d'Allah, مسألة يعني في دين الله, qu'il n'y a pas un imam qui t'ait devancé sur cette question. Comme on a déjà vu dans les chapitres avant, l'aqida tawqifiyya. L'aqida, tu t'y soumets. Tu t'y soumets et tu y crois. Et tu ne commences pas à rentrer dans des choses qui ne te regardent pas ou des choses que tu ne peux maîtriser ou des choses tout simplement qui n'existent pas. Et qu'aucun savant n'en a parlé avant. Quelle que soit la chose. Bien sûr, l'insan, il peut se tromper. Il se peut qu'il ait mal compris une mas'ala, mais quoi qu'il advienne, qu'il soit savant ou ignorant, qu'il se soit trompé sur la mas'ala, et quel qu'il soit, il se doit de revenir au savant sur l'explication des choses. J'ai pris deux paroles, une de Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, fi tafsir al-Qur'an. La deuxième, pareil, elle est fi tafsir al-Qur'an, kadalik. Pour expliquer l'ayah, ici j'ouvre juste une parenthèse pour bien comprendre, car c'est un domaine qui est important, et qui touche l'aqida, et surtout que cela concerne la ilaha illallah, kalimat al-tawhid. Qallallahu ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Allah Azza wa Jalla dit, selon le sens de verset, et votre divinité, wa ilahukum, طيب إله واحد إله واحد est une seule divinité. لا إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. J'ai traduit directement, la personne qui a l'arabe peut directement retrouver ça dans Tafsir al-Qur'an de Cheikh Ibn al-Uthaymeen rahmatullah alayhi. Cela s'adresse à toute la création, tous les humains. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit « Wa ilahukum », cela s'adresse à toute la création, tous les humains. Comme si on disait, oh, vous les gens, celui que vous adorez véritablement et qui mérite seul l'adoration. « Ilahukum », hein, votre divinité, yani celui qui mérite seul l'adoration, celui que vous devez adorer, « Ilahun », il est l'adoré. Celui qui est adoré avec amour et grandeur. Hubban wa ta'ziman. Hubban wa ta'ziman. Et ça, c'est très important. Il est adoré avec quoi? Il est adoré avec al-hub, avec amour, wa ta'zim, et grandeur. Et celui-ci est une seule divinité. Ilahukum huwa mubtada. Ilahun khabar. Wa wahid sifa. Sifa de quoi? De ilah. Wa ilahukum ilahun wahid. Votre divinité est une seule divinité. Ilahun wahid. Le premier est défini. Ilahukum. Il est défini. On sait c'est la divinité de qui. Ilahukum. C'est votre divinité. Le deuxième ne l'est pas. Pour renforcer le sens de son unicité. la divinité de la créature est une seule divinité. Son unicité dans la divinité, yani fil uluhiyya, contient son unicité dans la seigneurie, yani fil rububiyya. Car n'est adoré en vérité que celui que l'on reconnaît comme Rabb, comme Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa, comme dans le verset, ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa vient renforcer le sens de la phrase d'avant, qui était ilahukum ilahun wahid. Qu'est-ce qui vient renforcer? Allah azza wa jalla renforce ici la première phrase par la deuxième. La ilaha illa huwa. Non seulement vous avez une seule divinité, votre divinité elle est unique et elle est seule, et il n'y a nul digne d'être adoré en vérité que lui. La ilaha illa huwa vient renforcer le sens de la phrase d'avant qui est ilahukum ilahun wahid. Et son sens est la ma'boud bihaqqin illa huwa. La ma'boud, et nul n'est adoré. La ilaha bil ma'na la ma'boud bihaqq illa huwa. Mais haqq, il faut bien comprendre le sens de haqq ici. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. La, an-nafi, c'est une négation de l'origine même de la chose. C'est-à-dire, la ilaha. C'est une négation de quoi? De l'origine même de la chose qui est ici, al-ilah. Ilahun. La ilaha, ici. Son khabar est mahdouf, c'est-à-dire qu'il est caché, il est camouflé. Et qui est quoi en vérité? La ilaha haqq illallah. La ilaha bihaqqin illallah. Est-ce que le mot haqq il apparaît ici dans la parole? La ilaha. Il n'apparaît pas, mais il est sous-entendu. Il est sous-entendu. Son sous-entendu haqq est caché. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من دونه فهو ومن يدعون من دونه هو الباطل. Comment les ulama l'ont expliqué? Comment les ulama l'ont expliqué? La ilaha la ma'boud bihaq. Pourquoi bihaq? لأن الله هو الحق. Parce que dans le verset ici Allah Azza wa Jalla a dit ذلك بأن الله هو الحق. Parce que Allah est la vérité. وأن يدعون من دونه هو الباطل. Et ce qu'ils invoquent, ils invoquent qui? Des divinités. En dehors de lui, هو الباطل, n'est que du faux. Est-ce que c'est pour ça que tu peux dire qu'elles ne sont pas divinités? Même le mot ilah, on ne peut pas lui attribuer? Non. Il faut distinguer entre le fait de leur attribuer le nom de ilah et de mentionner qu'elles sont des divinités, et distinguer entre le fait qu'elles ne méritent pas cette adoration. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a mentionné la ilah, ce n'est pas pour dire que ce ne sont pas des divinités. C'est pour dire que ce ne sont pas des divinités qui méritent l'adoration. Et certains veulent dire, comme il dit ici Cheikh Al-Uzaymin, rahimahullah, et certains veulent dire que le sens, que le sous-entendu est, non pas haqq, mais mawjoud. La ilaha mawjoud, illallah. Il n'existe pas de divinité en dehors d'Allah. Comme ces traductions qui sont une calamité. Nul Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Il n'y a aucune divinité sauf Allah. هذا ليس بالصحيح. Donc je répète ce qu'il dit ici Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, et certains veulent dire que le sous-entendu n'est non pas haqq mais mawjoud, existe, existant. Cela est faux. C'est-à-dire ils disent il n'y a pas de divinité qui existe en dehors d'Allah, et cela est faux car deux points. Le premier, car il existe des divinités en dehors d'Allah, comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné. قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن هناك آلهة موجودة سوى الله لكنها باطلة. Qu'est-ce qu'il a dit الشيخ؟ أن هناك آلهة. Il y a des divinités. آلهة. موجودة. Qui existe. سوى الله. En dehors d'Allah. لكنها mais batila, mais elles sont fausses. Donc elles existent. Donc si tu nous dis la ilaha al-mahdoub, c'est mawjoud, la ilaha mawjoud illallah, c'est faux. Tu ne peux pas dire que il n'existe aucune divinité. Qu'il existe aucune divinité qui mérite l'ibada, oui. Mais tu es obligé tout simplement de dire tout simplement la ilaha bihaq إلا الله لأن الله هو الحق. Deuxième point, s'ils disent cela, alors ils veulent peut-être dire que ces fausses divinités adorées en dehors d'Allah sont en réalité Allah. وحدة الوجود عقيدة باطلة وهي عقيدة محمد الياس وابن عربي من الصوفية. Dans ce cas-là, ce qu'ils veulent dire par cette parole, en disant il n'y a aucune divinité qui existe en dehors d'Allah. Pourquoi? Parce que tu peux adorer ce que tu veux, Allah il est partout. Et il est en chacun de ses créatures. Donc même si tu te mets à adorer une créature, en vérité tu adores Allah. Comme il a dit Ibn Arabi, lorsque les Bani Israël ont adoré le veau d'or, il a dit en vérité ils n'ont pas fait shirk. Parce qu'en adorant le veau d'or, étant donné qu'Allah huwa fi kulli makan, wa fi kulli makhluqatihi, juz'un min Allah, et qu'en chaque créature d'Allah, il y a une partie d'Allah, alors en vérité, ils n'ont pas fait shirk. C'est comme s'ils avaient adoré Allah. A'udhu billah. Hada shirk billah. Donc c'est pour ça que Shir il a dit dans le deuxième point, s'ils disent cela, alors ils veulent peut-être dire que ces fausses divinités, en dehors d'Allah, sont en réalité Allah. Wahiya wa'adatul wujud. La deuxième parole que j'ai prise, c'est son tafsir dans إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاهُنْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاءَكُمْ. L'explication du verset où Allah Azza wa Jalla a dit إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاهُنْ. Yani, ces divinités que vous prenez en dehors d'Allah ne sont que des noms que vous et vos ancêtres ont nommé. Vous leur avez donné un nom. Et elles ne sont que des noms. Certains viennent avec ce verset en disant que ce soit par ignorance, que ce soit par yani parce qu'il y a une tariqa qui est déjà tracée ou autre. Peu importe. L'essentiel c'est de répondre à ça. Min aqwal al-ulama. In hiya illa asma'un sammaytumuha. Ils veulent dire, ici Allah Azza wa Jal a dénué le fait qu'elles soient des divinités, car elles ne sont en vérité que des noms. Donc on ne peut pas dire que ce sont des divinités. Et on ne peut pas les appeler ilah. Tayyib. On va donner l'explication qu'il a donnée Cheikh ici, en espérant que cela sera un éclaircissement. Et je ne cache pas qu'en français on ne peut pas aller plus loin. Après, il faut lire les autres textes, mais qui sont bilawat al-arabi. En français, je ne peux pas expliquer au-dessus de ça. Et vous savez très bien que l'asma wa sifat ou l'aqida, c'est très limité en français. Il y a des choses qu'on peut expliquer en arabe, on ne peut pas les expliquer en français. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla ici a dit dans ce verset, in, cela a comme sens la négation. Car quand on a illa après in, hein, in hiya illa, asma'un, alors cela a pour sens la négation. C'est-à-dire que vos statues ne sont que des noms abstraits, des noms dénués de tout. Elles ne contiennent en rien les qualités de la divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient. Wa qala shaykh sammuha ilahan mawjoud معبودا قال سموها ils les ont appelés leur divinité إلها معبودا des divinités adorées. Ils les ont appelées divinités adorées, mais elles ne le méritent pas en vérité. Ce ne sont que des noms dénués de toute chose. Et le fait qu'elles s'appellent de tel ou de tel nom, cela ne provient pas qu'elles sont réellement, au même titre qu'Allah, des divinités. Le nom, oui, mais pas les qualités. Vous en avez fait des divinités, vous leur avez donné un nom, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien prouvé et n'a rien révélé sur tout cela. Ma anzalallahu biha min sultan, puisque le verset il finit comme ça, et Allah n'a révélé sultan, yani hujja. Pourquoi le mot sultan? Parce que celui qui a le hujja, qui a la preuve, il est au-dessus des autres, il a le hujja. Celui qui n'a rien, il subit. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah n'a rien, vous leur avez donné des noms, vous et vos ancêtres, alors qu'Allah Azza wa Jalla n'a rien révélé sur ces divinités auxquelles vous avez donné des noms. Les statues que vous faites et les noms que vous leur donnez ne représentent qu'un nom dénué de toute qualité de la divinité suprême qui n'appartient qu'à Allah. Elles ne représentent qu'un nom, rien d'autre. Et Allah les a appelées divinités, non pas pour leur qualité, mais pour ce que vous en faites en dehors d'Allah. C'est-à-dire que vous détournez l'unique adoration réelle qui devrait être tournée vers Allah, vers ses divinités. La divinité en dehors d'Allah est erronée, fausse. Et même si elle est adorée et prise elle-même comme divinité, elle est une source d'égarement. Elle n'est pas faite pour cela et elle ne le mérite pas. Donc elle est certes une divinité, mais batila, fausse. Ce n'est pas le nom de divinité qui est visé par la fausseté ici, mais le droit à l'adoration, le droit d'être vénéré. Fahimtum ? Donc ici, le shir a mentionné wa khususan alladhina tad'unahum min dunillahi min al-aliha wal arbab. Donc ni vous, toute la création réunie, les hommes du premier au dernier, les djinns du premier au dernier, tous réunis, si vous vous réunissez tous pour créer une mouche, vous ne pourrez pas. Et en plus particulièrement ce que vous invoquez en dehors d'Allah comme divinité ou ce que vous suivez comme al arbab, yani les trop de mémoire. Yani les seigneurs, ceux que vous leur donnez des attributs de la seigneurie. Tous les docteurs, tous les chirurgiens, tous les docteurs, tu peux prendre tous les docteurs que tu veux de la terre entière, les réunir et dites-leur, créez-nous une mouche. Créez-nous une mouche. Petite créature. ثم قال الشيخ أما خلق الذباب وإذاع الروح فيه فلا يستطيعون هم يصورون صورة الذباب والإنسان والسبع والسبوع ونحو ذلك لكن لا يستطيعون أن يجعلوه يمشي ويتكلم إنما يخططون فقط تخطيطا لكن نفخ الروح من أمر الله عز وجل فكيف يقاس الخالق جل وعلا بالمخلوق لا تبلغه العقول والأوهام ولا تتخيله الأفكار سبحانه وتعالى. Donc créer une mouche, lui mettre son âme à l'intérieur, vous ne le pouvez pas. La seule chose que pourra faire l'être humain, c'est quoi? C'est dessiner une mouche, voir la sculpter. Mais est-ce qu'il peut lui mettre roh dedans? Non. Est-ce qu'il peut la faire parler? Non. Donc il ne pourra que la façonner en la dessinant ou bien en la sculptant. Rien d'autre. Quant à mettre l'âme à l'intérieur, cela n'est que du domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la raison de l'homme ne peut atteindre ce niveau de créateur qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. فقول الشيخ يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى لا يتنافى استواؤه على العرش مع كونه يعلم السر وأخفى فلا يقال إنه إذا استوى على العرش يكون بعيدا عن الناس ولا يسمع ولا يرى فهذا تشبيه لرب بالمخلوق. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal sache ce qui est caché, ce qui est secret, alors qu'il est élevé au-dessus de son trône, cela en aucun cas ne doit dénuer l'attribut d'Allah qui est c'est pas parce qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala entend tout et voit tout qu'il n'est pas sur son trône. Malgré qu'il est au-dessus de son trône, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout et il entend tout et rien ne lui est caché. Et on ne dit pas parce qu'il est sur son trône alors yakunu ba'idan min 'anil nas, alors il est loin des gens. Celui qui fait ça, il a fait ressembler Allah à sa créature. Il est clair qu'une créature, si tu l'éloignes d'une autre créature, ni elle ne l'entend, ni elle ne la voit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de son trône, Jalla wa ala, wa sami' al-basir. Allah est celui qui voit tout et qui entend tout, subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala, al-ashiyahu indahu sawa'un, la yakhfa alayhi shay, subhanahu wa ta'ala, al-qarib wa al-ba'id. وأول الخلق أول الخلق وآخره والدنيا والآخرة كل شيء هو في علم الله سبحانه وتعالى. Ainsi, rien n'échappe à Allah. Ce qui est proche comme ce qui est loin, de la première des créatures jusqu'à la dernière, et la dunya et tout ce qu'elle concerne, toute cette vie d'ici-bas et l'au-delà, tout est entre la science, tout est cerné par la science d'Allah سبحانه وتعالى. Tout est cerné par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه المخلوقات الصغير منها والكبير, quelles que soient les créatures, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, tout ce qu'il y a sur les cieux et sur la terre, من الذي يجلب لها الأرزاق, qui leur a donné à chacun sa subsistance, مخلوقات هائلة, من الذي أوجد لها الرزق كل بحسب حاله. Toutes ces créatures, quelles qu'elles soient, trouvent leur subsistance selon leurs besoins. Qui leur a donné tout cela? والله جل وعلا. C'est Allah عز وجل. فالواجب أن نسلم لما جاه عن الله عز وجل لأنه أعلم من نفسه. Ainsi, il nous est obligatoire de nous soumettre à ce qui est venu de la part d'Allah, car il est le plus savant sur lui-même. Wa nusallimu lima jaha 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, li'anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam a'lamu al-khalq bi rabbih subhanahu wa ta'ala wa la ta'tarid wa la tatadakhkhal bi 'uqulina wa afkarina. Et nous nous soumettons ce avec quoi est venu le messager d'Allah alayhi salatu wa salam en ce qui concerne son Seigneur. Car le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est le plus savant de sa création, dans la création, sur son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne rejetons pas cela, et nous ne font pas rentrer notre raison, ou notre manière de penser, ou notre façon de voir, dans ce qui est les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلا منافة بين قوله يعلم السر وأخفى وهو على عرش استوى وقوله وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان علمه بكل مكان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ويقول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم ويعلم ما جرحتم أي ما كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه يعني تقومون من النوم. Et la parole de l'imam Barbahari, et c'est là que tu vois qu'il a bien mis les paroles au bon endroit et qu'il a fait exprès de les mettre à cet endroit-là et qu'elles se suivent les deux, c'est qu'il n'y a pas de contradiction ou de négation entre le fait qu'Allah sache ce qui est secret et caché et qu'il est au-dessus de son trône. Et la parole où l'imam Barbahari a dit sur Allah subhanahu wa ta'ala que sa science englobe tous les lieux. Il n'y a pas un lieu sans qu'il y ait la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que ce lieu soit englobé par la science d'Allah. Et rien ne lui est caché ni dans les cieux, ni sur la terre. Et il est celui qui vous a fait dormir. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ مَا كَسَبَتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ. Et ainsi il vous fait lever du sommeil. Et qui vous a fait dormir la première fois? Et qui vous a réveillé? Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala sait toute chose. Et rien ne peut lui échapper. وَالسَّمِعُ الْبَصِيرُ. Même s'il est au-dessus de son trône. Jalla wa ala. Ainsi, l'obligatoire à chaque musulman de connaître cette parole, non pas on parle de connaître par cœur, mais de comprendre cette parole de l'imam al-Barbahari, Ya'lam rahimakallah, anna al-kalama fi rabbi ta'ala muhdath. Sache que parler sur Allah, quand on dit parler sur Allah, on a bien compris puisqu'on l'a expliqué, sans science, ou en interprétant à ta manière, sans revenir au livre d'Allah et la sunna du prophète sallam, muhdath, bid'atun wa dalal. C'est une innovation. C'est nouveau parce que les sahaba ne l'ont pas fait, c'est toi qui le fais. C'est toi qui ramènes cette chose-là. Et c'est une innovation et donc, c'est un égarement. وَلَا يُتَكَلَّمُ فِي رَبِّ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ. Et on ne parle sur Allah, sur le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, que parce qu'il s'est attribué lui-même dans le Qur'an. وَمَا بَيَّنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Il ne parle que ce que dont a parlé le prophète alayhi salatu wa salam sur son Seigneur et ses compagnons. فَهُوَ جَلَّ ثَنَاهُ وَاحِدٌ. Sache qu'Allah est unique. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Rien ne lui ressemble. Donc ici Allah Azza wa Jalla t'interdit de faire ressembler Allah à sa créature. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Et il est celui qui entend et qui voit. Ici Allah Azza wa Jalla t'ordonne de croire qu'il s'est attribué certaines sifats. Et donc de lui attribuer, comme lui-même a ramené une négation et une affirmation. Rabbun awwalun bila mata. Il est le premier, sans début, sans commencement. Wa akhirun bila muntaha. Et il est le dernier, sans fin, subhanahu wa ta'ala. Ça, ta raison, elle ne peut pas l'atteindre. Ta raison ne peut pas atteindre qu'Allah Azza wa Jalla est le premier, sans commencement. Parce que tout ce qui est autour de toi, tu vois bien vu qu'il y a un commencement. يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Il sait ce qui est secret au fond de chacun d'entre nous. Tout ce que l'on se dit soi-même, tout ce que l'on pense au fond de nous, Allah Azza wa Jalla يَعْلَم. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Il sait ce qui est apparent comme il est informé de ce qui est caché. Chaque waswas qui te touche, il le sait. Chaque péché que tu veux commettre, il le sait. Chaque péché que tu veux repousser, Allah Azza wa Jalla le sait. Tabaraka wa ta'ala. Wa huwa 'arshihi istawa. Il est élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, il sait tout et entend tout et voit tout. Wa 'ilmuhu bi kulli makan. Sa science cerne tout endroit, quel qu'il soit. Ne pense pas te cacher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne pense pas échapper à Allah, subhanahu wa ta'ala. Sa science te cerne. وَلَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٍ. Et il n'y a pas un endroit sans que sa science, subhanahu wa ta'ala, le cerne. لَكِنْ لَا نَقُولُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ مَكَانٍ. لَا. وَفِي السَّمَاءِ بِذَاتِهِ. وَفِي كُلِّ مَكَنْ بِعِلْمِهِ. Allah Azza wa Jal n'est pas partout. Allah est élevé au-dessus de son trône, au-dessus de toute sa création.